On a le principe du tawhid qui ne change pas, quel que soit le lieu où je suis, c'est tawhid, et tawhid, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu.